بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication du livre تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. Donc le livre en français, le titre c'est Des réflexions sur la question du hajr à la lumière du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs. Au dernier cours, on a lu l'introduction du livre, on a expliqué le contenu et on a mentionné donc ce que le Cheikh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, a clarifié par rapport à son livre et son contenu. Et on a aussi lu la préface du Cheikh Zayd Al-Madkhali, hafizahullah, ou rahimahullah. Et donc, on a profité de qu'est-ce qui était dans l'introduction du livre. Maintenant, le premier chapitre, ou la première partie, c'est à propos de la définition. Et ça, c'est une habitude parmi les habitudes des ulama. Lorsqu'ils écrivent un livre sur un sujet quelconque, ils commencent toujours par donner les définitions du sujet. Les définitions linguistiques et les définitions religieuses. Et une des raisons pourquoi il commence toujours par ce point-là, c'est parce que dans tout sujet qu'on aborde, il faut toujours commencer par définir les choses les choses au sujet desquelles on veut parler, parce que ça va faire en sorte que il y aura moins de confusion, ou bien il y aura moins d'erreurs qui pourront être faites dans la compréhension des gens. Parce que qu'est-ce qui peut arriver parfois, et ce qui arrive souvent malheureusement, c'est que deux personnes peuvent être en désaccord sur un sujet et chacun parle en réalité de quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que pour un, la définition d'une chose, c'est telle définition, tandis que pour l'autre, la définition, c'est quelque chose d'autre. Et donc, les deux mentionnent ou utilisent les mêmes termes, mais leur compréhension de ce terme n'est pas le même, d'une personne à l'autre. Donc, le fait de donner des définitions, ça aide à faire comprendre ou à clarifier le sujet et de quelle façon on a compris les termes pour justement faire en sorte que si jamais il y a une discussion sur ce sujet-là, on soit d'accord sur les termes qu'on a employés et pour être sûr d'éliminer les erreurs de compréhension ou les amalgames ou les malentendus qui peuvent être causés par justement le fait de ne pas se comprendre comme il faut. Donc ça, c'est très important. Aussi, ça fait en sorte que le sujet devient plus clair. Parce que souvent, vous voyez, par exemple, moi j'ai vu ça souvent dans des études ou des textes ou des analyses écrites par des soi-disant chercheurs ou des spécialistes dans différents domaines. Puis, ils écrivent un livre sur un sujet, puis ils ne pensent même pas à définir les termes au début de cette étude ou de cet écrit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à lire le livre et tu avances dans le livre, tu essaies de comprendre exactement de quoi la personne parle, mais tu réalises que la personne, elle mélange tout. Elle mélange différentes significations et différentes définitions en même temps. Puis à la fin, finalement, le livre, il n'est pas clair du tout. Et ça, j'ai trouvé ça surtout chez les koufars lorsqu'ils parlent de l'islam et quand ils utilisent des termes comme islamisme, intégrisme, fondamentalisme, toutes sortes d'autres appellations ou toutes sortes d'inventions qu'ils ont ramenées. Et tu vois que leurs définitions, elles sont complètement arbitraires. Elles ne sont pas scientifiques du tout, elles ne sont pas basées sur des références, ni linguistiques, ni sur des textes, ni sur quoi que ce soit. C'est juste des mots qu'ils inventent comme ça, puis qu'ils jettent à gauche et à droite pour confondre les gens. Et donc, En réalité, des fois, on comprend que le but justement de ces appellations, de ces termes-là, c'est plutôt pour jeter de la poudre aux yeux et mélanger les gens et confondre les gens que justement de vouloir leur faire comprendre la réalité des choses. Voilà, Koulihal, ceci dit, on va commencer donc à lire le premier point. Awwalan, ma'na al-hajr, la signification du hajr. Donc, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, il dit Al-hajru bil-fathi, diddu al-wasl. Yuqalu, hajarahu, yahjuruhu hajran, wa hujranan bil-kasri, wa hijranan bil-kasri, saramahu, wa huma yatahajiran, wa yatahajaran, wal-ismu minhu al-hijratu. والهجر بالضم القبح والفحش في المنطق القبح والفحش في المنطق وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله في المفردات الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن وإما باللسان وإما بالقلب ثم دلل على ذلك بأدلة من الكتاب ومن الكتاب العزيز وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الأدب باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة الهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم هي مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند الاجتماع وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث وقال الحافظ أبو عبيد في غريب الحديث التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه وهذا التقاطع وبنحوه قال الإمام مالك في الموطأ. Donc ça c'est qu'est-ce qui a rapport avec la définition. Maintenant on va traduire la signification du hajr, hein, qu'on traduit parfois par le boycott. Et yani, on va voir les différentes significations de ce terme. Déjà, il faut constater une chose. On voit que entre le mot hajr et entre le mot hijra, il y a une racine commune. Hein. Les trois lettres qui composent le mot hajr sont les trois lettres qui sont à la base du mot hijra aussi. Donc il y a une relation, il y a un lien entre les deux. Et donc le ha, le jim et le ra sont les trois lettres qui composent le mot. Et quand on utilise le mot avec la fatha sur le ha, al-hajru, c'est le cheikh dit ضد الوصل. C'est le contraire de la connexion. Hein. Al-hajru, c'est le contraire de la connexion ou de la relation. Et on dit hajarahu yahjuruhu hajran. Donc ça veut dire cesser de contacter quelqu'un ou cesser d'être en relation avec quelqu'un, hein, ou se couper de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire, hein, al-hajru. Et il dit hijran avec le kasr. Hein, comme par exemple le mot hijra, sous le ha, il y a une kasra. D'accord? Et ça veut dire, donc c'est ça, de se séparer de quelqu'un, de se couper de quelqu'un. Hein, c'est dans le même sens. Et il explique, de là vient le mot hijra justement. Wal hujr, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat al-Muddathir, hein, donc ya ayyuha al-muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rujza fahjur. Donc ici c'est يعني فهجر donc ça c'est le verbe donc de s'écarter ou de s'éloigner de الرج الرج les ulama ont expliqué que c'est ça peut vouloir dire les idoles comme c'est mentionné dans le tafsir et ça peut aussi vouloir dire yani, tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais. Et ici le cheikh il explique que donc al-hujr avec une dhamma sur le ha bid-dham hein, c'est qu'est-ce qui est laid, qu'est-ce qui est hein, les propos pervers, les propos laids, les propos qui sont dévergondés et les propos qui sont dégoûtants hein, avec la bouche. Donc ça c'est al-hujr, on l'appelle al-hujr. Et également, il mentionne d'autres définitions tirées d'un dictionnaire qu'on appelle al-mufradat, ou bien c'est comme un dictionnaire en réalité. C'est les définitions des termes dans le Coran. D'accord? Donc, on cherche dans ce livre-là un peu comme on cherche dans un dictionnaire. Et la différence avec un dictionnaire ordinaire, c'est que c'est un dictionnaire spécifique relié qui est relié spécifiquement aux termes coraniques. Donc, ils vont te donner les définitions des mots et des termes utilisés dans le Coran en cherchant leurs racines. Tu vas trouver les différentes significations des différents termes coraniques dans ce livre qu'on appelle Al-Mufradat, écrit par Al-Raghib Al-Asbahani. Et c'est un livre très connu, hein, très, très célèbre, que les gens souvent utilisent comme référence pour définir les termes et pour apprendre les mots qui sont mentionnés dans le Coran. Donc, Al-Hajru wal-Hijranu. Hein, il donne la définition, il dit c'est la séparation du corps, hein, plutôt c'est la séparation d'une personne et d'une autre, c'est-à-dire quand deux personnes se séparent. Quand deux personnes se séparent, soit physiquement, soit par la langue, par la parole, ou bien soit par le cœur. Donc ça veut dire que Al-Hajr et Al-Hijran, ça peut avoir des manifestations différentes, mais à la base c'est que deux personnes se séparent, soit physiquement, soit avec la langue, ou soit avec le cœur. Et il dit, le cheikh, que ça c'est supporté par des preuves du Coran. Et il va mentionner des exemples. Par exemple, l'imam al-Bukhari, il a rapporté dans son sahih le hadith suivant, dans Kitab al-Adab, dans sahih al-Bukhari. Le chapitre Al-Hijratu hein, wa qawlu Rasulillah babul hijra qawlu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il n'est pas permis à une personne de se séparer ou de se couper, hein, de cesser les relations ou les contacts avec son frère, c'est-à-dire de cesser de lui parler, plus que trois jours. Et il mentionne l'explication de ce hadith-là dans les paroles de Al-Aini, rahimahullah, qui est un des savants qui a écrit un charh de Sahih al-Bukhari. Dans son livre qui s'appelle Al-Umda, il dit dedans que Al-Hajru, ou plutôt Al-Hijratu, hein, avec le Kasra sous le Ha, et le Sukun, hein, il dit Wa Sukunul Jim, c'est-à-dire sur le Jim il y a un Sukun, donc Al-Hijratu, il dit Hiya Mufaraqatu Kalami Akhihi Al-Mu'min Ma'a Talaqihima. Donc il dit c'est le fait que une personne, hein, un musulman, il cesse de parler ou d'adresser la parole à son frère croyant lorsqu'il le rencontre. Hein? Donc ça il utilise ici le terme hijra, mais c'est dans le même sens que le terme hajr ici. C'est lorsque quelqu'un, il a une dispute avec un autre musulman ou un malentendu ou une discorde avec son frère musulman, puis il refuse de lui adresser la parole. Hein? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'a pas le droit de rester hein, en colère et de cesser d'adresser la parole à son frère plus que 3 jours. Et le cheikh, il dit donc, c'est que lorsque donc le musulman, il va refuser de parler à son frère croyant lorsqu'il le rencontre, et que chacun d'entre eux se détourne de l'autre lorsqu'ils sont réunis ou lorsqu'ils sont ensemble. Donc, par exemple, s'ils se croisent quelque part à la mosquée ou quelque part dehors, ils se voient, ils ne vont pas s'adresser la parole et ils ne vont pas se regarder parce qu'il y a une dispute entre eux ou un désaccord entre eux, et donc parce qu'ils sont fâchés l'un contre l'autre pour des disputes reliées à la dunya et des choses hein, de la dunya. Donc, l'autre explication, c'est celle qui est mentionnée par rapport au hadith dans le sahih de l'imam muslim, rapporté selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tadabaru, wa la tabaradu, wa la tadabaru. » Donc, il dit, dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'il signifie? « La tahasadu. » la forme du verbe qui est employé ici, ou le wazn, comme on dit en arabe, c'est « al-mufa'ala ». « Al-mufa'ala » ou « tafa'ala », c'est dans le sens de quelque chose qui est fait par deux personnes réciproquement, hein, ou bien yani, mutuellement. C'est-à-dire, la tahasadu, al-hasad, c'est la jalousie. Donc, si tu le mets sous cette wazn, cette forme de al-mufa'ala, donc la tafa'alu, ça veut dire, yani, ne faites pas de la jalousie les uns aux autres. Ne faites pas de la jalousie les uns aux autres. Wala tanajashu. Yani, at-tanajush, ça c'est aussi, par exemple, le fait de s'élever le prix hein, d'une marchandise, c'est-à-dire lorsqu'il y a un enchère, par exemple. Hein, lorsqu'il y a un enchère, quelqu'un va élever le prix, pas parce qu'il veut acheter la marchandise, mais juste pour empêcher à son frère d'obtenir cette marchandise-là. Donc, ne faites pas ça les uns aux autres. Wala tabaradu, hein, min al-bourd. Al-bourd, ça veut dire la colère ou la haine, le fait d'être en colère. Donc, tabaradu, yani tafa'alu, c'est ne soyez pas en colère les uns contre les autres. Et at-tadabur, c'est également dans le sens de le cheikh il le mentionne par la suite dans les paroles de Abu Ubaid, an yurid anhu, an yuwalli ar-rajul sahibahu duburahu, c'est-à-dire que tu vas tourner le dos à ton frère. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith là wala tadabaru, c'est-à-dire ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, en voulant dire lorsque vous êtes en dispute ou lorsque vous avez un froid ou que vous êtes en dispute ou en discorde l'un avec l'autre, eh bien la tadabaru, c'est-à-dire ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, hein, et c'est-à-dire ne vous coupez pas les relations entre vous, ne soyez pas en état de hajr, yani les uns envers les autres. Donc il dit at-tadabur al-musarama wal-hijran, c'est-à-dire le fait de se couper les liens les uns des autres. Il l'explique aussi en disant que c'est de tourner le visage. Lorsque tu vois l'autre, tu vas tourner le visage pour pas le regarder, pour pas qu'il te regarde et pour pas que tu le regardes. Et at-taqatu', hein, ça vient de qata', yaqta', c'est-à-dire couper. Donc at-taqatu', c'est-à-dire on se coupe l'un l'autre. Hein, en voulant dire on coupe les relations l'un de chacun de notre côté vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et il a utilisé le terme tadabur pour l'exprimer. Donc là, tadabaru, c'est-à-dire ne faites pas ça, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Et la même chose a été mentionnée également par l'imam Malik dans le Muwatta. Et l'explication qu'on a mentionnée avant, c'était dans Gharib al-Hadith, l'explication du Al-Hafiz Abu Ubaid. Ensuite, le cheikh Abdullah al-Bukhari, après avoir donné cette explication linguistique, il mentionne deux points qui sont reliés au sujet. Et ces deux points-là sont des points importants parce que souvent les gens négligent ces points-là par rapport au Hajr. Et vous allez voir, c'est intéressant de tenir compte justement de ces choses-là parce que ça aide à comprendre mieux le sujet par la suite. Donc le cheikh il dit at-tanbih al-awwal wa huna unabbihu ala amrayn 'azimayn muhimmayn at-tanbih al-awwal li'alama an al-hijrata bil-qalb hiya al-asl wa hijratu al-badan wal-lisan tatba'anihi. Donc, وهجرة البدن واللسان تتبعانه كما قال الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية قال إن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوبها وهي مطلوب الله ومراده من العباد إذ الهجرة هجرتان الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه هي المقصودة هنا وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها ثم أطال رحمه الله في بيانه وتأصيله بما لا مزيد عليه فلينظر. Donc ici, le cheikh, il explique. Donc ces deux points, le premier des deux points, c'est un point extrêmement important que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens négligent. Et parfois même, vous allez voir que peut-être une des raisons pourquoi ils n'arrivent pas à établir ce principe important de la religion, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce point-là. Le premier point, il dit, vous devez savoir qu'à la base de la hijra, il y a la hijra du cœur. Et ensuite, il y a la hijra du corps et la hijra de la langue. Et la hijra du corps et la hijra de la langue, elles suivent la hijra du cœur. Comme cela a été expliqué par l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre « Ar-Risalat al-Tabukiyya » qui est un livre merveilleux. Un livre excellent, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, de le traduire une bonne fois, inshallah. Donc, ici, il cite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, qui nous aide justement à comprendre ce point-là. Il dit que parmi les choses les plus importantes qui sont les objectifs même de la hijra, c'est-à-dire de faire la hijra vers Allah et son messager. Et il explique que ça c'est une obligation qui est spécifique et individuelle. C'est-à-dire l'obligation de faire la hijra, c'est parmi les choses les plus importantes et c'est une obligation pour chaque musulman, homme, femme, hein, peu importe la situation. À toutes les époques, à tous les moments, à tous les instants, dans tous les lieux, c'est obligatoire pour le croyant de faire cette hijra. Et tu ne peux pas te séparer, hein, il dit, personne ne peut se séparer de cette obligation-là. Hein? Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala exige et qu'il a voulu de la part de ses serviteurs. Hein? Donc quand quelqu'un il entend ça ici maintenant, il va se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible que la hijra soit obligatoire à chaque croyant, pour chaque croyant, chaque musulman, peu importe où il est, hein, et peu importe le moment, et qu'il ne peut pas se séparer de cette obligation-là. Hein? Donc, si tu n'as pas vraiment bien compris le sujet, c'est sûr que tu ne vas pas comprendre cette parole-là. Mais quand tu vas lire l'explication qui suit, là, ça devient plus clair. Le cheikh, il explique, Ibn al-Qayyim, il dit que la hijra, elle est de deux sortes. Al-hijratu, hijratan. Al-hijratu l'oula, al-hijratu bil-jismi. Min baladin ila balad. Il dit la hijra, la première, c'est la hijra hein, que tu fais physiquement. C'est-à-dire de te séparer physiquement. Hein, avec ton corps, tu te sépares d'un pays vers un autre. Tu quittes le pays des koufars et des mouchriquins et tu t'en vas vers le pays de l'islam. Tu quittes le pays dans lequel il y a la désobéissance, les péchés et la bid'a vers le pays où il y a la sunna et l'obéissance et la piété. Ça peut être d'un pays à l'autre, ça peut être d'une ville à une autre, à l'intérieur d'un même pays. Ce n'est pas obligatoire que ce soit d'un pays à un autre. Peut-être que tu es dans un pays musulman et que tu es dans une ville en particulier où il y a beaucoup de péchés, où il y a beaucoup d'égarements, et tu quittes cette ville pour aller dans une autre. Hein, ça aussi, c'est une hijra. Et le cheikh, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, et ce sujet-là, hein, il y a des règles à son sujet qui sont connues, et ce n'est pas de ça qu'on veut parler maintenant. Donc il dit, ce n'est pas de ce sujet-là dont on veut parler maintenant. Et il y a une autre hijra, et qui est en réalité la plus importante, c'est la hijra du cœur vers Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de cette hijra-là que nous voulons parler ici. Et c'est en réalité la vraie hijra. Et c'est la base même de la hijra. Et la hijra du corps, ou la hijra physique, elle suit et elle vient après cette hijra-là. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je disais que beaucoup de gens, parfois, ils ne réussissent pas leur hijra parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de ce sujet? C'est parce qu'en réalité, beaucoup de musulmans ont fait la hijra avec leur corps, mais ils ont oublié de faire la hijra avec leur cœur. Parce que sinon, il y a des musulmans qui n'ont peut-être pas encore fait la hijra physiquement, mais leur cœur, dans leur cœur, ils ont déjà fait leur hijra. Parce qu'ils se sont séparés complètement de tout ce qui a rapport avec le kufr et les kuffars et les mouchriquins et leur façon de vivre et leur façon de penser et leur façon d'être. Dans leur cœur, hein, ils se sont éloignés de ça complètement. Qu'est-ce qui leur manque? C'est uniquement de faire la hijra avec leur corps. Mais il y en a d'autres musulmans qui ont fait la hijra avec leur corps, mais ils ont laissé leur cœur chez les kuffars et les mouchriquins. Alors ces gens-là, même s'ils étaient devant la Kaaba, dans le plein cœur de Mecca, ou bien même s'ils étaient à Médine, ou dans n'importe quel pays, parmi les pays des musulmans, et que leur cœur reste à Londres, ou à Paris, ou au Canada, ou en Amérique, hein, New York, ou bien ailleurs, parmi les différents endroits où la religion d'Allah n'est pas en présence de supériorité, hein? Eh bien, c'est la réalité. Beaucoup de gens comme ça, ils restent attachés. Ils restent attachés, leur cœur reste attaché à ces pays-là, à ces sociétés-là. Donc, la hijra du cœur, c'est la base. Et aussi le hajr. Hein? Le hajr, quand tu te coupes d'une personne, hein, ça doit commencer par le cœur. Parce que si tu te sépares de cette personne pour quelque chose qu'elle a fait, hein, qui est contraire à l'islam, et que tu te sépares de cette personne, mais que dans ton cœur, tu restes attaché à elle, hein, malgré sa bid'a ou son égarement ou des choses comme ça, alors ça, ce n'est pas un vrai hajr. La base du hajr, ça doit être par le cœur. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose qui doit s'appliquer à n'importe quel moment et que c'est toujours obligatoire. C'est comme les degrés de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change avec sa langue. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le minimum, hein, le plus faible niveau de la foi. Eh bien, c'est la même chose pour le hajr aussi. Hein. Et le niveau du cœur, l'inkar bil qalb, le fait de condamner le mal ou de rejeter le mal par le cœur, ça c'est le minimum de la foi, c'est-à-dire personne n'a d'excuse, hein, de ne pas pouvoir le faire, parce que personne ne peut t'empêcher, hein, de condamner le mal avec ton cœur lorsque tu es incapable de le faire, soit par la main ou par la langue. Et c'est la même chose aussi pour le hajr. Hein? Le deuxième point que le cheikh a mentionné, il dit وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ الْعَظِيمَةِ وُجُوبُ الْإِجْتِمَاعِ وَنَبْذِ الْفُرْقَةِ وَالْإِخْتِلَافِ وَأَنْ يَكُونَ الْإِجْتِمَاعَ عَلَى الْحَقِّ وَبِالْحَقِّ وَلِلْحَقِّ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والآيات في الباب كثيرة والآيات في الباب كثيرة وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ثم ذكر فيها قوله عليه الصلاة والسلام وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا هو الشاهد منه والأحاديث في الباب كثيرة ومنها حديث ذم الافتراق الشهير المشهور قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وذكر آيات في المقام ثم قال وأمثال ذلك من النصوص تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة نعم إذن أيها الأحبة فالواجب أن ننشط ونسعى في تحقيق هذا الأصل وقيامه على الحق وبالحق ونشر الألف والتآلف والمحبة والإخاء في الله ولله تحقيقا لهذا الأمر الإلهي ولهذا الهدي النبوي وأن نبتعد عن كل أسباب الفرقة والقطيعة ونشر أسباب البر والصلة كما هو مبسوط في موضعه. Donc ici, le cheikh, il explique un autre point très important qui fait même partie des fondements, parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et malheureusement, à notre époque, beaucoup de musulmans et beaucoup de jeunes, hein, surtout des jeunes parmi les salafiyins et autres, hein, que les salafis ont négligé ou bien parfois n'ont pas pris en considération, ou même parfois certains ont même du mal même à comprendre que ça fait partie des fondements de Ahl Sunnah, c'est l'obligation de s'unir et le rejet total de la division et de la divergence. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourtant, pour certains, on dirait que c'est le contraire. Ils pensent que l'objectif ou le but de la salafia, c'est de diviser les gens ou de se diviser. Nasallallahu al-afiyah. Et donc le cheikh, il mentionne ce point-là. Et pour résumer ça, des fois je dis ça même à des frères, les frères, il y en a qui sont étonnés quand je dis ça, c'est que l'unité et le fait d'être unis en islam et le fait de s'unir, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé en islam. C'est quelque chose qui est obligatoire. Et vous savez la différence entre quelque chose qui est recommandé et quelque chose qui est obligatoire, hein? Qu'est-ce qui est recommandé? Si tu le fais, tu vas être récompensé. Mais si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. Tandis que quelque chose qui est obligatoire, si tu le fais, tu vas être récompensé. Mais si tu ne le fais pas, tu seras puni. Hein? C'est un péché. C'est haram. Donc, de se diviser et d'être divisé, c'est haram en islam. On n'a pas le droit. C'est complètement interdit par Allah. C'est un péché. Hein? C'est haram, c'est une kabira parmi les kaba'ir, un grand péché, parmi les péchés capitaux en islam, d'être divisé et de se diviser. Tandis que certains, on a l'impression que pour eux, c'est seulement recommandé de le faire. Nasallallahu ala afiyah. Donc c'est un premier point qui est très important. Déjà que si tu t'es mis dans l'esprit, dans la tête, que le fait que les musulmans soient unis, c'est une obligation, et que de se diviser, c'est haram, déjà là, juste d'avoir ce mindset, hein, ton esprit, il est réglé, hein, sur cette fonction-là, et que tu as compris que ça, c'est un principe fondamental parmi les fondements de la salafia et de la compréhension des salafs et de le sunnat wal jama'a. Lorsque tu as compris ça, je pense que la moitié du problème est réglée déjà. Hein? L'autre moitié, c'est de la mettre en pratique. Naam. Et c'est comme on dit, yani, si tu veux guérir, la meilleure chose, la première chose, c'est de reconnaître que tu es malade. Si tu refuses de reconnaître que tu es malade, eh bien, tu risques pas de guérir. Donc, le cheikh, il explique. Un des grands fondements parmi les fondements de l'Ahle Sunna, c'est l'obligation d'être unis et de rejeter la division et la divergence. Mais, bien entendu, quand on parle d'unité ou d'union, c'est pas n'importe quelle façon ou n'importe quelle union et n'importe comment. Hein? Non, il y a des règles, il y a des conditions pour que on soit unis et pour qu'on s'unisse réellement. Et c'est pas d'être unis juste, hein, physiquement, d'accord, d'être ensemble, de faire des choses ensemble. C'est pas ça d'être unis. Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à propos des kuffars, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Et dernièrement, justement, le président en France, il disait qu'il voulait faire des lois contre le séparatisme. Hein, il veut interdire la division. Hein, et il pense que parce que les gens en France sont des citoyens ensemble l'État qu'ils appellent la République, que ça veut dire qu'ils sont unis. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il n'y a aucune unité. Puisque chacun, ils ont leur religion est différente. Il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les athées, il y a les... Hein? Et il y a toutes sortes d'autres religions, les bouddhistes, les hindous, les Krishna, les témoins de Jéhovah, toutes les différentes sectes et idéologies que tu peux imaginer, elles sont présentes. Sans parler des divisions politiques, les communistes, les socialistes... les marxistes, l'extrême droite, les nationalistes, yani, tous ces gens-là sont tous divisés entre eux. Puis lui, il parle de lutter contre les séparatismes. On dirait que la seule raison pourquoi ils inventent ces trucs-là, de communautarisme aujourd'hui, et de ce genre de choses-là, c'est en grande partie, c'est pour... yani, essayer de stopper la montée de l'avancement de l'islam, hein, et l'augmentation des musulmans. Mais bien entendu, ils ont aussi d'autres préoccupations dans leur radar. Mais yani, tout ça pour dire, nous, les musulmans, quand on appelle à s'unir, on n'appelle pas uniquement les gens à s'unir ensemble pour travailler pour un point ou pour une cause ou pour une idée abstraite comme ça. Non. On appelle uniquement à s'unir sur la vérité, sur la religion d'Allah, sur cette aqida, cette conviction, cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'unicité d'Allah, le tawhid d'Allah et la foi en ses messagers et le fait de suivre et d'obéir à ce que Allah a ordonné à sa création dans sa révélation. C'est sur ça qu'on qu'on s'unit. Et tout ce qui peut être une cause de division, par exemple les innovations, les bid'ah, les péchés et la désobéissance, eh bien ça c'est des choses qui amènent justement des divisions. Et c'est ça qui doit être rejeté. D'accord? Et beaucoup de gens, qui, par exemple, il y a des koufars des fois qui disent « Oui, mais vous les musulmans, vous aussi vous êtes divisés parce que vous avez différentes sectes, vous avez différents groupes. Hein? » Ça c'est parce que en réalité, ces groupes-là se sont séparés de la jama'a. Ces groupes-là, ces groupes de bid'a, se sont séparés de la jama'a. Mais al-jama'a, elle est toujours unie. Depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours la jama'a. Il y aura toujours la jama'a, c'est-à-dire le groupe des croyants musulmans qui s'unissent sur la vérité. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exprimé ça clairement dans le hadith. « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq » Il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. Du début, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, jusqu'à la fin des temps. Ceux qui se sont divisés de ce groupe-là, ce sont eux les gens de l'égarement. Ce sont eux les groupes déviés. Mais les gens de la vérité, les gens de la sunna, ils sont toujours unis. Peu importe les circonstances, peu importe l'époque, peu importe la situation. Et même s'ils ne sont pas réunis physiquement dans un lieu unique, mais même s'ils sont éparpillés dans le monde, ils sont toujours attachés à cette vérité-là et donc ils forment toujours la jama'a. Et la jama'a, ce n'est pas non plus un groupe par rapport à un nombre. C'est-à-dire, ce n'est pas un groupe dans le sens qu'ils doivent être la majorité ou un grand nombre. La jama'a, comme les ulama l'ont expliqué, c'est d'être sur la vérité. Abdullah ibn Mas'ud, ou bien Abdullah ibn Abbas, je pense que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui a expliqué que d'être sur la jama'a, c'est d'être sur l'obéissance d'Allah, même si tu es tout seul. Donc si tu es tout seul à t'accrocher à la vérité, dans ce cas-là, c'est toi la jama'a. Peu importe l'époque, peu importe l'endroit. Hein? Et donc, tout ça pour comprendre qu'il y a des groupes qui se sont divisés, comme les 73 sectes, hein? Mais il y en a une seule qui est sur la vérité, c'est le groupe qui s'accroche à ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a suivi ainsi que ses compagnons. Ce groupe-là, ils sont toujours présents depuis l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'avant la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, ils vont être victorieux. Et les autres qui se divisent, eh bien, c'est les groupes qui sont menacés de l'enfer. Les 72 groupes qui sont menacés de l'enfer. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'abudun » Cette umma qui est la vôtre est une seule et unique umma. Une seule nation, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Ça veut dire que peu importe l'époque, peu importe l'endroit, la Ummah, elle est toujours unique, même si elle est composée de personnes de différentes origines, de différentes couleurs, de différentes nations ou peuples, du moment qu'ils sont unis sur la foi, et qu'ils suivent les messagers, et qu'ils établissent le tawhid d'Allah, et qu'ils s'accrochent à la voix des messagers, alors ils sont dans cette umma. Ils font partie de cette umma et ils restent unis. Naam. Et le cheikh, il a cité donc qu'il faut s'unir sur la vérité. Hein? Il a dit, on s'unit sur la vérité, on s'unit par la vérité et on s'unit pour la vérité. D'accord? Sur le drapeau haïtien, il y a un slogan qui est écrit. Et souvent, les Haïtiens répètent ce slogan-là. C'est écrit « L'union fait la force ». L'union fait la force. Et c'est clair que l'union fait la force. Même Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran. « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَيَذْهَبُ رِيحُكُمْ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ » Yani, je vais juste vérifier le verset parce que je n'aime pas citer un verset à tort et à travers. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Donc c'est ça. Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et vous perdrez votre force. Donc, voilà, tanazaru, c'est-à-dire ne vous disputez pas, parce que si vous vous disputez, vous allez vous diviser. Et si vous vous divisez, eh bien, vous allez perdre votre force, vous allez échouer. Et vous allez perdre votre force, c'est-à-dire vous allez vous affaiblir. Hein? Et donc, quand on dit l'union fait la force, c'est vrai, mais ce n'est pas n'importe quelle union. Ce n'est pas s'unir sur n'importe quoi. Il faut s'unir sur le haqq, et sur la foi, et sur le tawhid. Mais quand tu vois des gens qui sont tous réunis ensemble, mais que chacun il a une croyance différente, ce n'est pas une vraie union. Hein. Et quand les kuffars ils disent, non, il faut qu'il y ait la neutralité de l'État, c'est pour ça qu'il doit y avoir la laïcité, hein, ça c'est de l'hypocrisie en réalité. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est que les koufars entre eux, ils se distinguent. Et ils se différencient les uns des autres. Même entre eux. Hein. Par exemple, les chrétiens, les catholiques, hein, ils se reconnaissent entre eux. Les juifs, ils se reconnaissent entre eux. Ils s'entraident entre eux. Hein. Même s'ils n'ont pas de signe apparent extérieur, ils vont se reconnaître quand même. Soit parce qu'ils se connaissent, ou soit parce qu'ils ont d'autres façons de se reconnaître. Et un des meilleurs exemples pour illustrer ça, c'est les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est pas écrit dans leur front qu'ils sont francs-maçons, mais ils se reconnaissent entre eux parce qu'il y a des façons, ils ont des façons de se reconnaître et de se distinguer. Et ils vont s'entraider les uns les autres. Donc, s'il y en a un qui est dans un poste, il va aider son soi-disant son frère dans la franc-maçonnerie et ainsi de suite. Tout ça pour dire que ceux qui disent « Ah, il ne faut pas que les musulmans montrent qu'ils ont des signes apparents parce que sinon, ça enlève à l'État sa neutralité. » Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer que les signes soient apparents ou non. Hein? Parce que eux, leurs signes ne sont peut-être pas apparents, mais ils se distinguent eux déjà entre eux. Donc tout ça, c'est pour dire que yani, c'est de l'hypocrisie, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc nous les musulmans, on s'unit pour la aqida, et on s'unit sur le haqq. Et donc on ne veut pas faire comme Allah a décrit les juifs, qui sont unis entre eux, mais qui sont divisés et déchirés dans leur cœur. Hein, comme c'est le cas entre les koufars entre eux dans la laïcité. Ils se détestent tous les uns les autres, et puis ils disent on est unis. C'est pas ça nous qu'on veut les musulmans, on veut l'unité sur la vérité et être comme un seul cœur, avec une seule croyance, une seule foi, hein? un seul Dieu. Et on a le livre qu'on suit, qui est le Coran et notre prophète. Donc on n'a pas de raison par la suite d'être divisé. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne cela, et le cheikh il a cité le verset 103 dans sourate Al-Imran, qui est un verset clé à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas se diviser. Et le câble d'Allah, c'est le haqq, c'est la vérité, c'est le Coran, c'est la sunna, c'est la religion d'Allah, c'est la sharia d'Allah, hein, c'est la voie des sahaba. Donc, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et le verset 159 dans sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ceux qui se divisent dans la religion et qui font des sectes. Hein? Donc, il interdit les sectes et les divisions. Donc, ceux qui, parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, les égarés, qui disent non, il faut accepter le pluralisme religieux, ça fait partie de la diversité, tout ça, c'est en contradiction avec les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés dans le Coran, qui condamnent la division et la divergence, et qui ordonnent d'être unis, et qui condamnent les sectes et ceux qui se divisent en sectes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 159 dans Surat Al-An'am, « Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. » Wal ayatu fil babi kathira. Donc ceux qui se divisent dans leur religion, qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as rien à voir avec eux, avec ces gens-là qui se divisent. Donc ceux qui, hein, parmi les gens de Bid'a et les Ikhwan et les modernistes et les Soufis et les gens de Bid'a à notre époque qui disent « Oh, ça c'est le pluralisme religieux, il faut accepter, et le pluralisme politique, hein, il faut accepter les partis et les différents groupes, hein, et les élections et la démocratie, tout ça c'est contraire à l'islam, tout ça c'est pour mettre dans la poubelle, on n'en a pas besoin, hein, ça ne fait pas partie de notre religion ». Et il faut que les musulmans se mettent ça dans la tête, partout dans le monde. Hein? En commençant par les responsables et les dirigeants dans les pays musulmans, hein, qu'ils doivent commencer à comprendre ces principes-là de la religion d'Allah et le mettre en application. Parce que, en tant que dirigeant d'un pays musulman, on a une extrêmement grande responsabilité devant Allah. Au jour de la résurrection, on sera questionné pour ça. Et les dirigeants, ils sont en mesure de faire des réformes et des corrections et de ramener les gens à la religion d'Allah d'une manière que les autres n'ont peut-être pas cette possibilité-là. Donc, les ulamas de l'islam, avec les dirigeants des pays musulmans, ils doivent se mettre ensemble pour aider la Ummah, justement, à se relever et à s'unir sur la vérité. Et donc, après le shaykh, il dit « Waqala alayhi salatu wassalam » le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah est certes satisfait de vous pour trois choses, et il déteste pour vous trois choses. Puis dans ces choses qui ont été mentionnées parmi les choses qu'il aime, il a dit les trois choses, il a mentionné que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Donc ça, c'est une des choses que Allah est satisfait si on les fait. Et il y a beaucoup d'autres hadiths et beaucoup de versets au sujet de l'ordre de s'unir et du blâme de la division et de la divergence dans la religion. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, et vous savez que parmi les grands principes de la religion, hein, qui font partie des choses qui sont les points centraux de l'Islam, il faut unir les cœurs et réunir notre parole et réformer ce qu'il y a entre nous, hein, dans nos relations pour qu'on soit réellement unis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet-là, dans Surat Al-Anfal, verset 1, alors préservez-vous d'Allah et réformez ce qu'il y a entre vous comme relation. Et il mentionne après beaucoup d'autres versets, puis il dit ensuite, et beaucoup d'autres exemples parmi ces textes qui ordonnent d'être unis, de se réunir et qui interdisent la division et la divergence. Et les gens de ce fondement-là sont les gens de la jama'a, tandis que ceux qui sortent, hein, de ce fondement-là sont les gens de la division. Hein? Et ça, c'est mentionné dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, à la page 51. Donc celui qui veut avoir les détails peut aller retourner à ce texte d'Ibn Taymiyyah dans son Majmou' al-Fatawa. Puis pour conclure ce premier point, le cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit أيها الأحبة، أو مترش مترش شرف ربي أنيمي. L'obligation, donc, pour nous, c'est d'être actif, d'être motivé pour faire des efforts dans le but de concrétiser et de mettre en application ce principe et ce fondement pour l'établir, pour qu'on puisse être unis sur la vérité et par la vérité, et de propager l'unité, hein, et l'amour et la fraternité en Allah et pour Allah, dans le but de réaliser cet ordre divin, hein, cet ordre divin, un ordre, non, cet ordre divin et cette guidance prophétique, et de nous éloigner de toutes les causes de division et de coupure entre nous, et de propager les causes de la piété, de la bonté, des bonnes relations. Hein? Et cela a été élaboré plus en détail dans les différents endroits où on a parlé de ce sujet-là. Donc ça, c'est ce qui conclut ce premier point-là. On aurait pu le finir bien plus vite que ça, mais il y avait des choses que j'ai aimées, que je voulais profiter justement l'occasion de ce sujet-là pour élaborer un peu plus sur ces notions-là et rajouter des détails. Parce que, yani, parfois le sujet nécessite qu'on s'y attarde un peu plus dans le but vraiment de toucher à certains points qui sont un peu sensibles, surtout à l'époque actuelle, et de rajouter quelques clarifications qui sont nécessaires selon le contexte. Donc, ça c'était par rapport au premier point. Au prochain cours, on touchera au point suivant, le point numéro 2. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته